22.1. Mise en œuvre. Écoutez le texte et la mise en œuvre dans l'enregistrement sonore. Répétez et répondez suivant les indications. Il est midi à Paris. Marie-Laure, qui jouait au Luxembourg, rentre à la maison. Elle chante. Midi, qui l'a dit ? La petite souris, où est-elle ? À la chapelle, que fait-elle de la dentelle ? Pour qui ? Pour les dames de Paris. Marie-Laure, c'est toi ? Va te laver les mains. Dépêche-toi, tu es en retard. Il est midi à Paris. Marie-Laure, qui jouait au Luxembourg, rentre à la maison. Marie-Laure jouait au Luxembourg. Elle rentre à la maison. Marie-Laure, qui jouait au Luxembourg, rentre à la maison. Que fait Marie-Laure au Luxembourg? Elle joue. Quelle heure est-il? Midi. Il est midi 5. Robert est seul à la terrasse de la closerie des Lilas. Mireille est partie. Elle est allée chez elle pour déjeuner avec papa, maman et la petite sœur. Il est 6h05 du matin à New York et 6h05 du soir à Bombay. Robert a mis sa montre à l'heure française. Il vient de finir son troisième tir. Il appelle le garçon. Monsieur ? Est-ce que je peux téléphoner ? Oui, monsieur, au sous-sol, à côté des toilettes. Ce n'est pas pour les toilettes, c'est pour téléphoner. Oui, monsieur, les cabines téléphoniques sont au sous-sol, en bas, à côté des toilettes, au fond de la salle à droite. Merci. Robert est seul à la terrasse de la closerie des Lilas. Robert est seul. À la terrasse de la closerie des Lilas. Où est Robert à 1005? À la terrasse de la closerie des Lilas. Mireille est partie. Elle est allée chez elle pour déjeuner. Mireille est partie. Elle est allée chez elle. Elle est allée chez elle pour déjeuner. Est-ce que Mireille est avec lui ? Non, il est seul. Mireille est partie. Pourquoi est-ce que Mireille est partie ? Parce qu'elle est allée chez elle pour déjeuner. Il vient de finir son troisième tir. Qu'est-ce que Robert boit ? Un tir. Est-ce que je peux téléphoner ? Est-ce que je peux téléphoner ? Qu'est-ce que Robert veut faire ? Il veut téléphoner. Oui, monsieur, les cabines téléphoniques sont en bas, au sous-sol, à côté des toilettes. Les cabines téléphoniques sont en bas. Les cabines téléphoniques sont en bas. Au sous-sol. À côté des toilettes. Où se trouve le téléphone ? En bas, au sous-sol, à côté des toilettes.